loin que vous êtes condamnés. Non, il n'y a rien d'autre à faire que s'en aller. On dirait qu'à lui quelqu'un t'aurait damné. Et quand la nuit ma foi t'appelle, même avec lui tu te sens seul. Ce n'est pas normal et ça tu le sais, je ne t'apprends rien. Tu sais que pour moi tu es seul, pour moi tu es seul.